Ô gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas aux versets d'Allah, le Coran, cependant que vous en êtes témoins ?